Exercice 2, page 22. A. À plus tard. B. Bonjour. C. Salut. D. Bonne journée. E. Bonne soirée. F. Bon après-midi. G. À bientôt.